normande. Mon père était gascon. De ces provinces ensemble, ils ont su trouver le nom. Les chemins de France qui conduisent à la paix. Ce sont eux qui les ont faits. Moi, je suis né en France. Toi, tu viens d'Outre-Rhin. Et notre gamin pense que nos pays ne font qu'un. Les chemins de l'Europe qui conduisent à la paix. Avons fait. Elle viendra d'Amérique pour aimer mon garçon. D'Asie ou bien d'Afrique, et leurs chemins